face au passé maltraité. Briller, c'était pas gagné. Exploiter ses idées pour deux billets, une petite fierté, l'envie de régner conçu la pauvreté. Accentuant le pouvoir et l'argent, méprisant l'innocent, absent de cette folie de truand. L'exemple à suivre montré par Stone derrière son bureau, en voyant son armée faire grimper l'économie de son pays. Cette maladie du profit entraîne avec elle de pauvres gens blessés d'une telle réalité. Conscience éparpillée, plus de réflexion. On construit notre destruction sur l'égoïsme des nations. Avenir ensorcelé, faudra pas venir pleurer quand je vois tous ces crétins hypnotisés devant leur télé. Un pourcentage d'entre eux vont jusqu'à bander, voyant tous ces soldats exterminés. Cet étranger qui gênait cette emprise diabolique emmène dans son cercueil de pauvres gosses tués par sous-payés pour gouverner. Reconnaissance envers la France, mon cul, quand je pense à ce type aimé par ce pays. Chercheur d'armes biologiques, collaborant avec la mairie pour gagner plus de fric, excité à l'idée que le virus soit bien appliqué. Conflit racial ou religieux, faut bien trouver bon prétexte pour exploiter cette terre mêlée à toutes ces guerres. Combien de personnes jusqu'aujourd'hui ont trop souffert? Combien de fautifs agressifs sont restés inactifs? L'homme pas prêt de guérir doit s'attendre au pire, construisant chaque jour un futur sans avenir. Liberté aux yeux.